Voici le résumé du commentaire du quotidien Laurent Simon en date du 1er juin titré « Le caractère mensonger et sournois de la base en quatre points de la nouvelle politique envers la Corée de l'administration de Trump ». Au bout du débat sérieux sur la table des choix pour régler le problème nucléaire nord-coréen pendant ces quelques derniers mois, l'administration de Trump a déterminé définitivement la pression et l'intervention suprême comme la politique envers la Corée et a mis en public la base en quatre points qui la concrétise. La base en quatre points que le président américain Trump a signée officiellement, c'est premièrement de ne pas reconnaître notre République comme pays détenteur du nucléaire. Deuxièmement, de renforcer toute sanction et pression. Troisièmement, de ne pas promouvoir le changement du pouvoir nord-coréen. Et quatrièmement, de régler définitivement le problème par voie de dialogue. Le dernier projet politique a trop d'objets antiques pour être considéré nouveau. Le commentateur a dénoncé par article le caractère mensonger et sournois de la base en quatre points et de continuer. Après avoir déterminé la politique sur la pression et l'intervention suprême, les États-Unis ont publié la base en quatre points de la politique envers la Corée, ce qui n'a révélé que la limite de la capacité intellectuelle de l'équipe des projecteurs de la politique de la Maison-Blanche et l'étroitesse de ses vues. Les États-Unis et autres forces hostiles ont beau de ne pas reconnaître la position de puissance nucléaire de notre République, elle est imperturbable et les armements nucléaires seront davantage diversifiés et sophistiqués sans que les envahisseurs et provocateurs n'aient le temps d'y réfléchir. Que tout le monde sache correctement que nul ne pourra empêcher notre renforcement national des armements nucléaires suivant la ligne de promotion parallèle de l'économie et des forces nucléaires.